Le destin. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lors de l'évolution, le destin est voilé dans la conscience de l'individu qui croit être en contrôle de sa vie parce qu'il ne perçoit pas la présence de son esprit et de son plan de vie. Comme l'individu inconscient a tendance à réfléchir, il est préférable que ce dernier lui soit voilé parce qu'il risquerait de lui créer de la souffrance psychologique inutile si certains éléments qui ne font pas son affaire en tant qu'ego lui sont dévoilés. Par exemple, il pourrait vivre de l'anxiété s'il apprend qu'il est prévu qu'il effectue un travail nécessitant de réaliser de nombreux déplacements en voiture, alors qu'il a présentement peur de voyager suite à un accident récent d'automobile. Par conséquent, pour le garder dans un état mental calme, l'illusion de l'existence du libre-arbitre va être implantée dans sa psyché. Elle va servir à lui faire croire qu'il est la source des pensées qui lui sont acheminées et qu'il est aux commandes de son existence. Donc, cela va l'empêcher de réfléchir inutilement à des événements qui sont prévus pour lui, car cela pourrait l'amener à sombrer dans la folie et à devenir dysfonctionnel en société. Lors de l'évolution, l'individu est amené à réaliser qu'il n'est pas la source des pensées et qu'elles proviennent d'entités. Autrement dit, il va devoir accepter qu'il reçoive dans sa psyché des pensées qui orientent sa vie dans certaines directions qui influencent les actions qu'il va commettre à l'avenir. Par exemple, cela peut être de recevoir la pensée qu'il est intéressé à faire un voyage pour qu'il l'effectue. Par contre, l'individu ne doit pas nécessairement mettre en exécution toutes les pensées de projet qui lui sont présentées, car elles ne sont pas toutes en relation avec des choses qu'il est souhaitable d'effectuer. Il doit faire preuve de discernement. C'est la présence d'idées dans la psyché de l'individu venant d'entités astrales qui peuvent lui faire miroiter un faux destin dans le but de lui occulter sa véritable destinée. Par exemple, une entité astrale peut vouloir l'amener à croire que son destin est de collectionner les voitures de luxe pour qu'il en achète, alors que son esprit peut lui dire qu'il doit plutôt intégrer intelligemment sa présence dans sa vie pour qu'il agisse de manière consciente sur le plan matériel. Donc, l'individu, par l'exercice de son intelligence, doit découvrir par lui-même ce qui est réel. Le destin de l'individu élaboré par l'esprit existe pour donner une direction à son existence en vue d'une évolution de sa conscience. Tant que l'humain est inconscient de l'existence de son esprit, sa vie est dirigée subtilement par lui. Dans le contexte de l'évolution, l'âme a tendance à s'astraliser par l'influence des entités astrales. Ces dernières peuvent l'amener à vouloir effectuer des choses qui n'étaient pas prévues dans son plan de vie, comme de collectionner des voitures de luxe. Cette situation devient problématique lorsque l'âme réalise plein de choses qui vont à l'encontre de ce qu'elle était censée faire en venant sur Terre. Autrement dit, une âme peut s'incarner sur Terre dans l'optique d'apprendre à gérer la matière consciemment, mais étant influencée par des entités astrales négatives, elle pourrait plutôt chercher à dominer les autres et à créer des guerres dans le but de régner sur le monde. Lorsque l'individu se conscientise, il prend contact avec sa contrepartie cosmique, son esprit, qui lui était occulté. Il peut accéder par vibration à des informations se rapportant à son plan de vie qui ne lui était pas disponible jusqu'alors. Son dévoilement va se faire au fur et à mesure qu'il sera capable d'assumer des communications télépathiques de manière consciente avec son esprit. Plus son énergie va se fusionner avec celle de son esprit et plus il sera en mesure d'assumer consciemment sa présence. L'individu peut demander à d'autres personnes comme des médiums, des maîtres ou voyants de lui parler de son destin. Par contre, s'il agit ainsi, cela peut lui être nuisible, car ce comportement ne l'amène pas à savoir par lui-même ce qui est réel et le garde dans une situation de dépendance à l'égard d'autrui. S'il croit tout ce que les gens lui racontent sur son destin, eh bien cela le maintient dans l'ignorance, car cela ne lui donne pas accès à son savoir par lui-même, qu'il ne peut qu'accéder que par vibration. Cela peut être particulièrement dangereux s'il demande à un être totalement astralisé de lui parler de son avenir, car ce dernier est influencé par un plan d'énergie où il y a des entités négatives qui sont coupées du plan mental, donc a un accès au savoir se rapportant à son destin réel. Le destin de l'individu sur Terre est en relation avec des liaisons psychiques avec des entités qui vont influencer les événements. Si, par exemple, un individu reçoit d'une entité astrale la pensée qu'il doit voler une autre personne et qu'il donne de la primauté à cette idée qui est en opposition avec celle provenant de son esprit, eh bien, sa contrepartie cosmique, devant son refus de l'écouter, peut mettre en place un scénario de vie dans lequel il va être victime d'un vol plus tard. Dans cette optique, ce dernier va servir à lui faire réaliser que ce n'est pas intelligent de voler. Donc, l'esprit va chercher à corriger l'âme qui a agi en fonction d'interférences astrales dans sa psyché en vue de l'amener à ne plus se laisser influencer par les entités astrales dans l'avenir, soit à être plus intelligente. Ce type de correction s'appelle le karma. Par contre, si l'individu ne commet pas de vol parce qu'il sait qu'il ne doit pas agir ainsi, eh bien, il n'a pas besoin de se faire voler pour réaliser que ce n'est pas intelligent de se comporter de la sorte. Donc, il ne se crée pas de karma servant à créer la désaffiliation psychique éventuelle de sa conscience avec une ou des entités astrales qui cherchent à le pousser à agir à l'encontre de l'intelligence de l'esprit. Lorsque l'individu est libre de l'influence du plan astral sur sa psyché, son comportement sur le plan matériel n'est pas source de karma qui occasionne un destin qui va nécessiter qu'il passe par des expériences sur le plan planétaire pour s'en libérer. Donc, il n'est plus un être expérimental et influencé par des lois de l'involution. Le karma est la loi de retour qui a été créée pour compenser le fait que l'individu de l'involution effectue des erreurs parce qu'il ne vit pas de communication consciente avec son esprit pour évoluer et agir de manière appropriée directement. Elle est nécessaire en vue de corriger l'action de l'âme qui ne peut pas l'être grâce à une communication consciente avec son esprit. Si l'esprit ne peut pas communiquer directement avec sa psyché, eh bien, il va le faire à travers l'événement. Sans le principe du karma, beaucoup d'âmes n'évolueraient pas dans la matière, car elles seraient plutôt dans un état de stagnation où elles vivraient comme des animaux qui ne chercheraient qu'à s'adonner au plaisir des sens. Avoir du plaisir de vie sur le plan matériel n'est pas mauvais en soi. C'est lorsque ce dernier prime constamment sur les actions devant être commise par l'âme en vue de nécessités évolutives, que cela pose problème. Voilà la nuance entre les deux. Plus l'être humain se conscientise et plus son destin s'épure de toutes les formes de karma qui auraient pu être occasionnées par son inconscience. Donc, sa vie et son avenir s'allègent des répercussions d'actions inconscientes ayant un poids d'astralité. Voilà ce qui complète maintenant la lecture du texte portant sur le destin.